et puis on s'intéresse à des disciplines qui étaient un petit peu négligées. Par exemple, maintenant, sur certains chantiers, on fouille, on tamise très précautionneusement les déblais de fouilles qui proviennent des couches archéologiques, et on a des spécialistes qui étudient, par exemple, les restes de poux, de puces des anciens Égyptiens. C'était des choses auxquelles on ne prêtait absolument pas attention auparavant, mais ça peut donner des indications sur la santé des Égyptiens, voire sur la survenue de grandes pandémies comme la peste, etc. Donc on a des problématiques un petit peu différentes de celles de nos prédécesseurs. Dernière chose, quel regard portez-vous sur l'organisation, le parcours de l'expo et la grande halle de la Villette à Paris ? Vous savez, à chaque fois que les objets, des objets de la tombe de Toutankhamon sortent, c'est un événement et on apprend des choses. Et là, j'ai eu la chance de voir qu'il y a au moins 4 objets de cette exposition. Le petit cercueil à viscères en or, la statue du roi sur la panthère, les bandes d'or qui couvraient la momie, eh bien, où l'on voit les traces d'une usurpation. Et donc on sait que au moins cette partie-là du mobilier funéraire de Toutankhamon n'est pas le mobilier funéraire de Toutankhamon, mais appartenait à une femme. Et ça montre aussi, vu le succès de l'expo de 67 et celui d'aujourd'hui, à quel point nos contemporains s'intéressent à l'Égypte. Qu'est-ce qui fascine dans la civilisation égyptienne, selon vous ? Ah, l'or, la beauté des objets, bien entendu la part de mystère, qui est souvent d'ailleurs une illusion, c'est-à-dire que les mystères ne sont pas exactement là où on les croit, et tout ça, ça continue à fasciner, et le public français y est particulièrement sensible. Ça c'est il faut bien c'est clair. Merci, ce sera le mot de fin, Marc Gabold. Merci pour tous vos éclairages et votre savoir sur l'égyptologie. Merci, au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'Expo Toutankhamon, une émission que vous pouvez réécouter en podcast. Rendez-vous sur la page Affaires Sensibles du site franceinter.fr pour toute information complémentaire à notre émission. Et si le cœur vous en dit, vos commentaires. À la technique aujourd'hui, on le remercie, il y avait Raphaël Rousseau.